Bonjour à toutes et tous, nous nous retrouvons pour le premier épisode de l'année. C'est l'épisode numéro 13 qui se consacre à repenser les conseils de classe. Stéphane Béni avait fait le premier épisode sur ce sujet et il m'a fait le plaisir de revenir avec nous. Il est docteur en sciences de l'éducation, enseignant à l'INSPE de l'Académie de Reims, chercheur associé au laboratoire LIRTES et CEREP et spécialiste des pratiques d'évaluation. Et trois collègues de différentes académies avec différentes formes de conseils de classe repensés nous rejoignent. Peggy Bernarda est enseignante de lettres dans l'Académie de Lille. Elle mène de nombreux projets, des pratiques coopératives à la poésie. Et son travail Mémoire de femme a reçu le grand prix des participants du forum du café pédagogique. Guillaume Davio est enseignant de physique-chimie à La Rochelle, dans l'Académie de Poitiers. Il a notamment mis en place des classes inversées et l'évaluation au service des apprentissages. Avec ses collègues, il a participé au prix Chercheur en actes du Cézène l'an dernier. Et Claire Zambelli est enseignante d'art plastique, chargée de mission CARDI, chargée de mission d'inspection et d'instruction en famille dans l'Académie de Nancy-Metz. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Ma première question pour vous, c'est que donc le conseil de classe, c'est un temps d'évaluation dans le trimestre ou le semestre. Et qu'est-ce que c'est pour vous évaluer? Je peux Claire. commencer en art plastique. Donc j'ai une matière un petit peu particulière dans laquelle l'évaluation a peut-être un sens un petit peu différent. Nous, on ne cherche pas à savoir si ce que les élèves ont est beau, ce que les élèves ont réalisé est beau ou réussi. Mais on essaye d'évaluer à quel point ils ont été capables de collaborer, à quel point ils ont eu une démarche qui ont mené à un résultat, à quel point ils ont su verbaliser sur ce qu'ils ont produit, et surtout leur capacité à progresser sur une compétence en question. Donc on a on a des critères un petit peu particuliers. C'est pas tant le résultat final qui compte, mais le chemin pour y parcourir. Donc après, on est loin maintenant de l'évaluation sanction qui pourrait être un petit peu dévalorisante parfois pour l'élève. On est où est-ce que je me situe à l'instant T sur ce qu'on m'a demandé en fait. Pour ma matière, on est là-dessus. Merci. Bon, je peux prendre la suite parce qu'en fait, en Oui. lettres, la notion d'évaluation est très, très proche de ce que décrit Claire. Il s'agit essentiellement quand même d'évaluer les progrès des élèves et vraiment la progression d'un point A à un point B. Et donc, c'est des temps d'évaluation qui nous permettent de mesurer surtout vraiment l'avancée de l'élève dans différentes compétences, lecture, écriture, oralité, coopération. Voilà, enfin, on a forcément à peu près tous les mêmes échelles. Alors, parce que donc précisément, pour ce qui est de l'évaluation, ce qui est particulièrement important aussi, c'est que ce soit une évaluation partagée à la fois avec les familles et les élèves. Et pour moi, l'évaluation est en amont, vraiment, doit être absolument pensée par l'enseignant pour qu'elle soit la plus transparente possible et la plus adaptée possible aux élèves, au niveau de la classe et au niveau de classe. Donc, les échelles critériées adaptées vraiment à chaque évaluation et qui soient particulièrement ciblées par rapport aux attendus de fin de séquence ou de fin de cycle. C'est pour moi le cœur vraiment de mon travail et de pouvoir comme ça voir et que les familles également puissent absolument non pas repérer voilà, s'ils sont au niveau 1, au niveau 2 ou au niveau 3, mais pourquoi ils sont à ce niveau-là. Ce qui a été particulièrement une évaluation positive, où on va se dire, voilà, à niveau 2, ben, l'élève sait lire sans buter sur les mots. Alors, en revanche, on veut arriver à un niveau 4 où la lecture, par exemple, va être expressive et va rendre compte d'une compréhension du texte ou va rendre compte d'une interprétation. Et c'est l'objectif final que normalement tous mes élèves doivent atteindre à la fin du cycle. Mais il faut que ce soit absolument transparent pour les parents et pour les élèves. Et enfin, c'est un peu le principe aussi des évaluations. Très fine menée par enfin, surtout des enseignants de premier degré avec les ceintures d'évaluation. Voilà. Mais elles sont absolument liées, notamment aux nouvelles formules, cette évaluation, aux nouvelles formules du conseil de classe. Et quand on a pensé les nouvelles formules de conseil de classe, le travail en amont de l'évaluation a été repensé par toute l'équipe pour que ça ait du sens aussi au moment du conseil de classe. Donc en vous écoutant, je vois vraiment un travail sur les compétences, sur le processus et la progression de l'élève et puis lever l'opacité pour les élèves et les familles. Oui, tout à fait. Stéphane, peut-être? Oui, alors moi je me situe un petit peu à partir d'un point de vue de la recherche. Alors forcément, je suis très intéressé par ce que les collègues ont dit précédemment. Et on va retrouver hein, finalement des éléments dont on se sert dans la recherche. Alors je vais peut-être utiliser une première définition qui date un peu, mais qui a l'avantage d'avoir traversé un peu les âges, parce qu'elle est ultra robuste. C'est la définition d'un chercheur spécialiste en évaluation, Jean-Marie de Quételet, qui date de 1989, et qui nous dit qu'évaluer, c'est bah, tout d'abord prélever des données qui sont bah, un petit peu fiable. Alors, tout ne se prélève pas. On ne prélève pas tout dans la classe, mais on prélève des données qui nous intéressent. Alors, ici, on accompagne notamment les enseignants débutants, parce qu'il y a un petit peu une frénésie à prélever un certain nombre de données qui ne sont pas immédiatement opératoires. Le deuxième temps, après le prélèvement, c'est l'interprétation. Dans l'interprétation, il y a deux temps. Il y a deux temps. Il y a un premier temps qui est plutôt du côté de la psychologie sociale. C'est le travail du jugement. Et puis, ce temps est mêlé, il est articulé évidemment au contexte de la classe, qui est complètement particulier. Est-ce que cet élève a progressé auparavant? Je dois tenir compte de sa progression, rendre compte également d'un certain nombre de progrès qu'il aurait pu faire. Voilà, donc il y a toute une part de message qui se construit, donc on est dans l'interprétation, et puis il y a un troisième temps qui est extrêmement important également, c'est le temps de la décision. C'est-à-dire une fois qu'on a interprété l'ensemble de ces données, une fois qu'on a construit un jugement, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et à ce moment-là, est-ce qu'on arrive à pouvoir aller créer un certain nombre de remédiations? Pouvoir définir un autre parcours d'apprentissage en fonction des difficultés éventuelles de l'élève. Voilà. En tout cas, ça, c'est le triptyque, si je puis dire, qu'on utilise beaucoup, prélever, interpréter, décider. Ensuite, j'ai noté également dans les propos des collègues la volonté de construire des grilles, de les rendre le plus explicites possible, hein, parce que s'il n'y a pas de compréhension de la part des élèves, bah, finalement, il n'y a pas d'appropriation et puis on s'en sert jamais. Et il y a un certain nombre de travaux qui sont très intéressants, là également. Alors, je pense notamment aux travaux de Crahet, Pini et Isaïeva, qui datent un petit peu, qui sont de 2011. Travaux tout à fait intéressants qui montrent que les élèves n'interprètent pas du tout les messages évaluatifs tels que les enseignants les pensent ou les construisent. Alors ça, c'est un petit peu notre cheval de bataille avec les collègues avec qui je travaille notamment. Pourquoi? Parce que bah, sans interprétation correcte, bah, c'est difficile de se saisir des aides que l'enseignant va pouvoir construire. Et puis je vais terminer sur un dernier petit point, parce que c'est une collègue suisse qui travaille beaucoup sur ce qu'elle appelle la microculture de classe, et qui renvoie notamment à tout ce que Claire et Peggy ont dit tout à l'heure, à savoir la construction de grilles d'évaluation les plus explicites possibles, sauf qu'ici, il s'agit non pas de la construction de la part de l'enseignant, mais de la co-construction entre enseignant et élève, qui va favoriser l'appropriation par les élèves des différents critères. Voilà, elle travaille, entre autres, parce qu'elle travaille beaucoup d'autres choses, à partir de cette co-construction qui permet une microculture de classe, une microculture qui est propre à la classe et qui favorise un petit peu un certain nombre de progrès en classe. Et pour que les élèves comprennent les commentaires évaluatifs des enseignants, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit, du coup, il n'y ait pas de malentendu, de compréhension, qu'ils puissent s'en saisir? Bah déjà, j'ai l'impression que comme le disait Stéphane à l'instant, le fait d'être sur un système co-évaluatif va permettre à l'élève de se situer un petit peu plus facilement au fur et à mesure, s'il est capable comme ça de se situer seul sur des compétences. Il aura plus facile à tendre vers la maîtrise de ces compétences-là en question, je pense. Et c'est vrai que s'auto-évaluer, c'est moi je le pratique avec les élèves, c'est pas évident. Et alors c'est très rare qu'on se surévalue, hein. On est plutôt sur la dans de l'autre côté de l'échelle, et donc on n'a pas confiance en soi, on se sous-évalue la plupart du temps, et quand je demande aux élèves pourquoi on arrive sur un tel résultat alors que ce qu'il a produit est absolument irréprochable, ben, on ne sait pas répondre. Donc c'est à force, je pense, d'essayer de se situer qu'ils vont à un moment peut-être plus maîtriser les compétences sur lesquelles ils doivent se situer, quoi. En tout cas, ça peut aider, je pense. Merci. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a amené tous à vouloir modifier la forme des conseils de classe habituels? Peggy? Alors, je peux commencer. Alors, ça a été très lié à un besoin absolu, particulièrement après la crise Covid, de renouveler notre enseignement en équipe. On s'est trouvé face à des élèves qui avaient décroché de façon encore plus manifeste, et on était en grande difficulté pour aider les élèves décrocheurs de toute catégorie, voilà, que ce soit des élèves décrocheurs silencieux ou nettement plus enfin, visibles dans les classes. Enfin, ça a été vraiment une problématique d'équipe d'essayer de trouver des solutions. Donc, on a vraiment cherché du côté de la coopération. On a abandonné l'évaluation par note et uniquement compétences, qui a été une révolution dans mon établissement parce qu'on était la première classe, et ça a été très compliqué à faire accepter comme culture de l'évaluation dans un établissement qui était assez, on va dire, traditionnel, pour pas dire réactionnaire. Et donc ensuite, ça a été une suite logique, puisqu'on était dans quelque chose qui devait être innovant, et on avait carte blanche et une confiance vraiment donnée par le chef d'établissement pour faire autre chose et trouver des solutions pour que tous les élèves et que le groupe classe réussissent ensemble, sans laisser d'enfants sur le côté. On s'est quand même dit qu'effectivement, une des meilleures façons était aussi de les inclure dans leur bilan annuel. Et dans le conseil, enfin, annuel, pardon, et trimestriel, qui est le conseil de classe. Et on a tous ressenti dans notre carrière ces conseils de classe comme des temps absolument inutiles, où on est face à deux parents d'élèves qui viennent pour leur enfant, où la parole du prof principal est maîtresse et où on écoute la bonne parole, voilà, du bilan qui a été fait, où il se passe pas grand-chose et où on est obligé d'être là. Et où en fait on a perdu du temps, enfin, c'est un temps absolument inutile, qui n'a aucune répercussion sur le travail de classe et sur les élèves. Donc, quitte à perdre du temps, autant essayer de faire autre chose et d'être un peu plus efficace et performant. Et donc, ben, on s'est dit que là, la coopération était, l'esprit de la coopération nécessitait que les enfants prennent part absolument à leur évaluation trimestrielle. Et inclure les familles dans cette évaluation et dans ce bilan personnalisé, ça paraissait aussi une évidence. Et de ne pas faire non pas un tribunal pour les élèves, mais vraiment d'essayer de réfléchir pédagogie avec les familles et de donner la parole vraiment aux élèves au moment des conseils. Donc on a en équipe pensé tout ça. Et puis il y a un autre aspect, alors qui paraissait être un micro-détail, mais qui a été très mal vécu par pas mal de collègues, ça a été l'abandon aussi des gratifications au conseil de classe. Alors on avait déjà abandonné les notes, ça faisait déjà beaucoup, mais ce qui paraît être un absolu détail, mais qui n'en est pas un du tout. C'était d'abandonner, voilà, ce qui est aussi une perte de temps, cette espèce de médaille en chocolat qu'on attribue ou pas pour un trimestre et qui nous fait perdre vraiment de vue l'objectif même de ce bilan et de cette évaluation de l'élève. Voilà, donc ça a été tout ce processus-là qui nous a amené à la refonte totale des conseils. Oui, alors du coup, les récompenses, on en parlera plus tard, mais je ne sais pas si vous êtes déjà amusé, moi je l'avais fait, et d'autres collègues d'ailleurs aussi, à chronométrer le temps passé sur les récompenses en conseil de classe, c'est intéressant à voir. Mais Claire ou Guillaume, qu'est-ce qui vous a Oui, modifié le temps alors passé? Guillaume? oui, le conseil de classe pour nous, c'était un entre-soi en fait, hein. On se retrouvait entre professeurs. Il manquait quand même la personne concernée, l'élève. Il manquait aussi sa famille. C'est intéressant à ce sujet d'écouter Antoine Pro, historien spécialisé dans l'éducation nationale, qui expliquait que depuis le 19e siècle, le conseil de classe avait finalement très peu évolué. Il expliquait pourquoi il avait été imaginé, le conseil de classe, et pourquoi il avait si peu évolué. Et nous n'étions plus du tout satisfaits, hein, de ce type de format. Donc, on souhaitait le modifier. Et donc, on est passé on a nommé ça conseil de réussite. Et finalement, on a remis la famille et l'élève au cœur du dispositif. Hein, l'idée, c'est vraiment le motto-thème, c'est la coéducation. Hein, et l'idée, c'est d'arriver à faire un bilan ensemble. En fait, c'est plutôt en vie de classe, en amont, que l'élève fait son propre bilan, son auto-bilan du trimestre. Ensuite, il l'analyse, on lui donne un bulletin avec les appréciations de ses professeurs. Ça lui permet de comparer son auto-analyse à celle des professeurs et d'en dégager des pistes d'amélioration. Et ensuite, quand nous convoquons les familles et l'élève pour discuter face à un binôme de professeurs, on est vraiment dans l'accompagnement. On passe quelques minutes sur le bilan du trimestre et aussitôt, hein, on passe sur le sujet de quels sont les conseils qu'on peut prodiguer à cet élève pour qu'il progresse au trimestre suivant. Et on vérifie que le conseil est compris, que le conseil est accepté, que la famille se sent capable de le mettre en œuvre et que du coup on ait des chances qu'il profite à l'élève. Et c'est vrai que toutes ces discussions qu'on a avec l'élève et la famille nous ouvrent des possibilités que nous n'avions pas en conseil de classe standard. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu disais au début, enfin, expliquer un peu comment, pourquoi a été créé le conseil de classe et comment ça se fait que ça n'ait pas été modifié? Parce que justement, tu as Alors, parlé. en fait, ben je vous répète ce que j'ai compris de la conférence que j'avais suivie, qui était donc animée par Antoine Pro. Donc, tout était lié, en fait. Hein. Il expliquait que avant 1890, les enseignants étaient des régents, donc un petit peu l'ancêtre du professeur des écoles d'aujourd'hui, qui enseignait une multitude de disciplines. Il n'y avait pas d'enseignants spécialisés, sauf dans certains très grands lycées de France, mais c'était très très rare. Et donc en 1890, l'enseignement s'est spécialisé, des professeurs experts dans une discipline se sont formés, sont apparus, et il a fallu évidemment harmoniser entre ces différentes disciplines les bilans périodiques, semestriels, trimestriels, et le conseil de classe a été inventé pour que cette harmonisation puisse se faire. Et depuis, ce conseil de classe a traversé les âges et n'a jamais été spécifiquement interrogé sur son efficacité. Hein. Il a été inventé un petit peu en même temps que la note. Hein, et encore une fois, l'idée était d'harmoniser les professeurs pour qu'ils soient capables d'essayer de mettre un outil d'évaluation de l'élève et compris et accepté par l'ensemble des disciplines. Merci. Et puis, du coup, qu'est-ce qui t'a amené à modifier les, enfin, à vouloir modifier les conseils de classe? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc là, j'enfile ma casquette Cardi. C'est qu'il y a une vraie réflexion académique sur le sujet, et on a de plus en plus de projets innovants sur le thème des conseils de classe. Donc, on a une vraie dynamique là-dessus. Dans mon établissement, on a eu envie, effectivement, je rejoins mes collègues, de redonner du sens au lien école-famille. Et de ce fait, on a créé une espèce de soirée hybride à mi-chemin entre la réunion parents-prof et le conseil de classe. Et donc, on commence par en fait un temps qui est un petit peu classique pour le coup de réunion plénière dans laquelle on fait le bilan du trimestre effectif avec les acteurs classiques, encore une fois, du conseil de classe. Nous, on est encore sur une évaluation sommative, bien qu'elle soit combinée aux compétences. Donc on fait le tour, voilà, de ce qui s'est passé dans le trimestre. On fait du cas par cas, mais très rapide. On évoque les situations particulières aux besoins. Mais on a nous aussi abandonné les récompenses au conseil de classe qui, d'après nous, ne voulaient pas dire grand-chose. Et je rejoins aussi mes collègues là-dessus qui prennent un temps fou pour, au final, un sens limité. On était même allé jusqu'à la suppression de la remarque générale et ainsi que la suppression de l'apparition de la moyenne générale. Là encore, parce qu'au final, on s'était dit que donc ça a duré quelques années, que l'appréciation générale n'avait pas de sens puisqu'elle faisait une synthèse du bulletin. Donc soit le bulletin était très bon et donc on répète. Soit le bulletin est très mauvais et donc on répète, soit il est mitigé et c'est un calvaire à rédiger. Le parent est tout à fait en capacité de faire sa synthèse tout seul si l'élève a un bilan mitigé. Finalement, c'est quelque chose qui est de l'ordre enfin, de l'obligation légale, si je puis dire. Et donc, on a rajouté cette appréciation puisqu'on y est finalement obligé. Et la moyenne générale, c'est vrai que les élèves, ils sont relativement attachés, même si jusqu'à présent, bon là, avec la réforme concernant le brevet, c'est encore différent, mais finalement, il y avait là aussi une perte de sens. Et donc nous, après ce temps collectif, on se sépare, donc les profs présents ainsi que le personnel de direction se séparent. Et en petits groupes, on accueille les parents. Donc, on est trois personnels dans la salle. On a un dispositif qui est beaucoup moins formel dans le sens où on met les chaises en cercle un petit peu. Il n'y a pas de table. Il n'y a pas, en fait, ce côté très descendant qu'on pourrait avoir lors d'une réunion parents-prof classique, avec l'enseignant derrière son bureau et les parents qui vont comme ça un petit peu au tribunal. Et qui attendent un temps fou pour voir 10 professeurs et rentrent chez eux à 23 h. Donc nous, on convoque les parents à une heure précise. Ils attendent tout au plus 5 minutes devant la salle et voient deux profs avec, par exemple, la chef ou le chef ou alors le prof principal avec le CPE et un collègue. Qui sont tout à fait à même d'établir un bilan du trimestre écoulé concernant l'élève avec le bulletin à la pluie et bulletin qui est transmis à l'issue de la réunion aux parents. Et ce temps-là d'échange commence toujours par une question à l'élève sur ce qu'il a pensé de son trimestre et comment il a vécu les choses. Et à ce moment-là, on échange avec la famille de façon beaucoup plus naturelle et agréable pour tout le monde. Ça permet également à l'élève de ne pas entendre 10 fois que ça a été mauvais si ça a été le cas. Et tout le monde passe, j'ai l'impression, un meilleur moment. D'ailleurs, le taux de présence au conseil de classe et à ce format un petit peu hybride nous permet d'en évaluer les bénéfices, puisqu'il est entre 90 et 100% de parents présents. Merci beaucoup. Du coup, si j'essaye de résumer tout ce que vous avez dit, l'objectif, c'est vraiment de remettre l'élève et la famille au centre, de lever encore une fois l'opacité, d'être vraiment sur les compétences et la progression. Et du coup, qu'est-ce qui fait pour vous que dans la forme habituelle des conseils de classe, c'est plutôt vécu par les élèves et peut-être par les parents, je ne sais pas, comme un jugement plutôt que comme un moment où on extrait la valeur de ce qui a été fait. Stéphane? Alors peut-être que je vais encore une fois prendre un petit peu l'appui sur de la littérature. Là, ce qui me paraît assez important dans ce qu'on dit Claire, Guillaume et Peggy, c'est premièrement le fait qu'on change un peu de posture. Pour moi, le changement de posture, il n'a pas lieu forcément au moment de ce conseil de classe, mais il intervient beaucoup plus tôt, c'est-à-dire à partir du moment où se crée la dynamique entre collègues de vouloir commencer à changer ce fameux conseil de classe. Alors, je vais m'appuyer un petit peu sur des travaux qui sont notamment ceux de Anne Giraud et puis également sur ceux de Yann Mercier-Brunel, qui rappellent assez joliment, j'adore cette petite explication, la racine latine, enfin les racines latines du mot anglais évaluation, qu'on appelle assessment. En fait, il y a deux racines, soit c'est acido, soit c'est acideo. Et la première signifie s'asseoir à côté de quelqu'un pour l'aider, pour être un ami critique. Et la deuxième, c'est siéger comme un juge. Et lorsqu'on est plutôt dans la deuxième, eh bien, on est plutôt dans le format conseil de classe, c'est-à-dire que on siège comme un juge, on détermine quelle est la valeur de l'élève, sachant qu'une note est toujours contextuelle, même si on passe par des compétences. Ça n'a pas grand-chose à voir forcément avec certaines fois le niveau de l'élève, parce que tout est une question de contexte. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que disent les collègues ici, c'est qu'ils changent de posture et ils s'assoient à côté de l'élève pour essayer de l'aider. J'ai noté également que, c'est Guillaume qui expliquait tout à l'heure, que on invite l'élève à faire un petit bilan de son trimestre. On va comparer ensuite avec les évaluations un petit peu des enseignants. Et puis, on invite l'élève, ça avait été discuté aussi lors du premier podcast sur ce sujet, on invite l'élève à rédiger un certain nombre de pistes d'amélioration qu'il va essayer, lui et sa famille, de tenir. Donc, mais des pistes qui sont, je pense, me semble-t-il, concrètes, réalisables, pas des choses extravagantes qui n'auraient aucune chance d'aboutir. Voilà. Donc, ici, ce qui me semble tout à fait fondamental, c'est le fait que les collègues décrètent qu'il faut changer de posture. Donc la posture de l'évaluateur est ici tout à fait révélatrice d'un glissement de je contrôle comme un juge, hein, je suis dans le contre-rôle. Donc dans le document qui était lié au budget à l'époque, hein, qu'on contrôlait, et là je glisse vers la posture d'un ami, d'un ami critique. Merci beaucoup. Peggy? Alors, oui, ce que je voulais rajouter, c'est notamment, et pour compléter vraiment ce qui vient d'être dit, c'est le travail en amont et particulièrement le travail de l'appréciation. C'est une chose qu'on a beaucoup repensée aussi pour que le bulletin et que le bilan soit le plus positif possible. D'une part, chaque professeur devait faire l'effort d'abord de lister ou de voir tout ce qui avait été positif dans le trimestre. Voilà, et pas qu'on soit seulement dans une sentence négative et que même un enfant qui est en grande difficulté, il a su forcément faire quelque chose d'un peu positif. Donc de toute façon, on part toujours par une remarque positive et ensuite on allait, s'il y avait des choses négatives à dire, il faut aussi les dire, mais de façon très objective, en objectivement aussi avec des critères. En utilisant beaucoup les compétences et terminer effectivement par un conseil. Donc ça, vraiment, chaque professeur le faisait scrupuleusement dans ses propres appréciations. Et nous, en revanche, le travail du prof principal était effectivement de faire cette synthèse. Là, j'étais pas tout à fait en accord avec Claire, c'est que moi, tous mes parents d'élèves sont pas forcément en capacité non plus ni de synthétiser ni de forcément lire un bulletin parce que alors d'autant plus que lorsque c'est un bulletin en compétence c'est encore sans doute beaucoup moins dans la culture parentale de pouvoir absolument décrypter tout ce qu'il dit. Donc le prof principal fait une appréciation avec ces trois éléments-là, les points positifs, les difficultés ou les points à retravailler, les points d'amélioration, et enfin un conseil ou deux, très concrets, comme il a été dit, pour pouvoir améliorer et pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir un objectif qui puisse lui permettre d'améliorer le trimestre suivant. Alors ça, c'est du côté des profs. Et le côté des élèves, effectivement, c'est de faire exactement ce bilan-là. Tous les points de lister, tous les points positifs réussis dans chaque discipline, et on insistait beaucoup sur les éléments de compétence, pas dire j'étais bon en maths ou en physique ou je suis nul en orthographe, vraiment d'essayer de lister des éléments. Donc, on leur donnait énormément d'outils pour pouvoir faire un bilan objectif de ce qu'ils ont réalisé de façon un peu transversale et transdisciplinaire. Les points de difficulté et ensuite d'essayer aussi d'analyser pourquoi ces difficultés persistent et d'essayer donc à partir de là de eux-mêmes de leur côté trouver des modalités d'amélioration. Et ensuite donc là, au moment où l'élève rentre dans le conseil de classe, il commence par faire son propre bilan donc avec ses trois points. Et donc la formule toujours consacrée, c'est je lui dis, bah écoute, moi j'ai fait exactement le même travail, j'ai fait la synthèse de tout ce que mes collègues m'ont dit de la même façon avec ces trois points et on va comparer. Et on engage à partir de là un dialogue avec les parents, avec l'élève, pour voir si son bilan est objectif, si le parent est d'accord avec ce qui a été dit aussi de la part des professeurs ou de son enfant. Et puis, pour ce qui est de la remédiation, elle est tout à fait amendable pendant ce temps-là avec la famille. Par exemple, c'est des temps où on peut vraiment... Alors, par exemple, aussi un élément de langage qui a été complètement proscrit, c'est n'apprends pas ses leçons. On peut seulement faire le constat que la leçon n'est pas su, n'est pas connue. Mais on a des enfants qui passent du temps sur des leçons, qui les apprennent mal, qui n'ont pas les méthodes. Voilà. Donc, on essayait beaucoup de décrypter avec les parents les raisons des difficultés, soit énumérées par l'élève ou alors par nous. Et parfois, c'était simplement, mais les parents de très bonne foi, mais je ne comprends pas, sa leçon, il me l'a récité par cœur. Hier, alors voilà, et si on creuse un peu, en fait, effectivement, les enfants lisent la leçon et ils sont interrogés 2 minutes après, mais pas 1 heure après. Et les modalités, voilà, de mémorisation, c'est des choses dont on a pu parler, qu'on a pu évoquer avec les parents pour pouvoir améliorer. Et ça a été des dialogues vraiment complètement très fructueux, très très fructueux. Et qui a une répercussion immédiate également sur l'ambiance de classe. Le fait simplement d'avoir été aussi face à des adultes qui ont été capables de dire à cet élève qu'il a fait, même s'il est en difficulté, qu'il a fait des choses très positives dans le trimestre, et qu'on lui demande par exemple voilà, de faire l'effort à un objectif simple, prendre la parole au moins je sais pas, 3 fois par jour. Ou une fois par cours, enfin, quel que soit l'objectif, mais des choses très simples. Et les efforts sont faits dès le lendemain. Et on a vraiment une métamorphose du climat de classe juste après ces conseils de classe. Et c'est bien qu'il y en ait trois dans l'année, parce que ça s'essouffle au bout d'un moment, ces conseils et puis cette pensée positive. Et c'est bien de la réactiver plusieurs fois dans l'année. Voilà. Et pour les parents, on a beaucoup de parents aussi qui sont fâchés avec l'école parce que l'école a aussi sa part de responsabilité parfois, ce qui est de casser ou de briser des enfants ou des parents qui sont d'anciens élèves. Et là, de venir à l'école, non pas pour assister à un tribunal, mais aussi pour leur dire que leurs enfants font des choses très bien. Et qu'on est là pour trouver des solutions avec eux pour que ça aille mieux, ça change considérablement la donne. Merci. On va détailler un peu plus toutes vos formes de conseils de classe repensés, mais j'avais une question parce que vous avez été plusieurs à évoquer l'attachement parfois des familles ou des élèves à la note ou à l'appréciation générale. Enfin, qu'est-ce que vous avez eu comme expérience là-dessus et comment on accompagne justement ce changement-là de paradigme, cet attachement justifié hein, quand on a connu que ça Pour l'instant que, parce que j'avais une question par rapport à vos collègues après, mais pour les parents et les élèves. Bon, je peux continuer alors Merci. voilà, parce que ça a été effectivement très très compliqué de faire accepter l'abandon de la note. Et il a fallu faire preuve d'énormément de pédagogie auprès des parents. C'est la première année où on l'a décidé. Ça a été une erreur de notre part. De ne pas suffisamment expliciter les choses et de mettre un peu les parents devant le fait accompli, d'autant qu'on était la seule classe sans notes. On a eu quelques parents, deux, trois parents, qui sont immédiatement montés au créneau et ont demandé à ce que leur enfant change de classe. On était le 15 septembre. Mais simplement en sachant que les élèves ne seraient pas notés, il y avait une impression que ça allait être une classe ultra laxiste et qu'il n'y aurait pas de travail. Il y a une vraie association entre le sérieux, la note qui est une sanction, et l'école qui doit être là pour aussi sanctionner. le non-travail ou la mauvaise qualité du travail. Et une évaluation positive n'est pas forcément acceptée par tous les parents. Ça, j'ai eu, voilà, ça a été à la marge, mais si ce n'est que ce sont les réactions les plus virulentes qui ont été compliquées à supporter, honnêtement, pour l'équipe et moi-même en premier lieu. Et puis on a une grande partie de parents aussi, plus silencieuses, qui nous ont dit être très soulagées qu'il n'y ait pas de notes et que la pression que les élèves, leurs enfants pouvaient se mettre avec les notes était telle qu'ils étaient vraiment soulagés que ce soit supprimé. Et effectivement, à la fin de l'année, là, le bilan, une fois que l'expérience a été menée et que les parents ont quand même bien vu que les enfants avaient travaillé beaucoup, avaient beaucoup progressé également, sans aucun décrochage. On n'a perdu aucun élève sur toutes les cohortes dont on s'est occupé de cette façon-là. On n'a eu aucun élève décrocheur. Voilà, alors des enfants qui ont plus ou moins progressé, mais pas de décrocheurs. Et surtout des enfants qui étaient plutôt voilà, soulagés d'être dans un système qui leur permettait d'intégrer le droit à l'erreur et puis de l'évolution dans la compétence. Merci. Stéphane? Alors, je vais rebondir un peu sur les propos là, qui m'intéressent beaucoup parce que on discute beaucoup avec les collègues des systèmes évaluatifs, notamment donc notes versus compétences. Alors bon, à l'international, il y a quand même certains pays qui ont remis les notes, comme en Suisse, qui avait été un système abrogé mais qui est revenu, et pas sous la pression parentale, mais sous la pression des enseignants eux-mêmes, parce que lorsqu'on avait des commentaires qualitatifs qui étaient mis sur les bulletins, et bien c'était beaucoup plus discutable que la note qui, semble-t-il, est une agrégation de mesures qui n'a absolument pas grand intérêt. Alors Guillaume avait fait un petit point tout à l'heure historique, c'était intéressant. Donc la note, peut-être le redonner, si je fais écho un petit peu aux travaux de Pierre Merle, un article très intéressant paru en 2015, qui fait un petit peu le point sur les débats contemporains de la note. La note a été inventée par dans les collèges jésuites, et puis, mais elle n'avait pas du tout le sens actuel, hein. Elle avait plutôt un sens d'équipe, c'est-à-dire qu'on participait à une lutte de classe, on luttait de classe contre classe et on obtenait un tourbillon de notes d'évaluation. C'est plus tard, une fois que dans l'Ancien Régime, on a essayé, pardon, d'abandonner la société de l'héritage au profit de la société du mérite, qu'il a fallu trouver un système pour sélectionner les meilleurs étudiants qui allaient rentrer dans les grandes écoles républicaines. Et à ce moment-là, il a fallu construire un outil qui permettait de classer assez finement les étudiants sur des échelles. Et comme ça avait déjà été inventé par les jésuites, on s'est tourné vers la note sur 20, qui ensuite a été infusée dans les systèmes de préparation au concours. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à noter les étudiants pour les préparer au concours des grandes écoles. Et le système s'est ensuite développé en notes sur 20, en notes sur 10. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que même quand on est sur un autre système, là je vais parler juste 30 secondes de mes propres travaux, parce que je travaille beaucoup avec les élèves de maternelle, notamment les élèves d'école primaire. Même lorsqu'on est sur de la compétence, même lorsqu'on est sur des points de couleur, ils se comparent énormément avec ces points. Ils discutent du nombre de points de couleur qu'ils ont obtenus. Et puis, certaines fois, à la maison, ça se passe plus ou moins bien selon le point de couleur qu'on a obtenu. Alors, j'ai mené des enquêtes auprès des parents, auprès des enseignants, auprès des enfants, et bon, ils sont un peu unanime là-dessus, hein, sur le système. En fait, c'est pas tellement l'outil qui va être intéressant, l'outil évaluatif, Mais j'en reviens beaucoup plus à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la posture de l'enseignant, le processus d'aide qui est bien plus intéressant, semble-t-il, que le simple outil qui permet uniquement de finalement de décider de l'attribution d'une valeur qui regroupe des éléments très différents, certaines fois dans une copie qui n'ont pas vraiment de rapport entre eux. Voilà, donc c'est plutôt vraiment sur la posture et sur toutes les aides qui sont données. J'ai particulièrement apprécié ce que disait tout à l'heure Peggy sur les échanges qu'ils mènent avec les enseignants et qui sont en capacité de faire changer le point de vue des parents, anciens élèves, qui ne connaissaient le conseil de classe que comme un tribunal et non pas comme un système d'aide qui allait pouvoir être proposé par la suite aux élèves dans la perspective de les faire progresser. Donc, ce qui me semble un changement de point de vue relativement radical et propre à faire bouger les lignes, parce que c'est ça finalement l'innovation, c'est quelque chose qui est propre à faire bouger les lignes. Merci. Mais justement, c'était ma question d'après. Vous avez tous parlé, enfin tous les trois parlé de travail en équipe. Est-ce que les collègues qui se sont lancés avec vous avaient déjà réfléchi à leur posture, comme Stéphane disait en amont, comme Peggy, tu en parlais aussi, c'était une réflexion globale post-confinement. Et est-ce que ça a fait bouger la posture d'autres collègues qui se sont joints à vous après? Alors moi, par exemple, la posture, le premier travail, il s'est fait autour de la note et de l'évaluation par compétences. On s'est vraiment intéressé à ça en 2012, de mémoire, c'était 2012. Donc on a voulu changer de posture, on a voulu aussi reconnaître les efforts qui étaient réalisés par les élèves. Et on n'arrivait pas à le quantifier, à le mesurer avec la note. Donc on s'est beaucoup interrogé là-dessus. Ensuite, on s'est formé sur apprendre à apprendre, parce qu'on a eu un besoin de formation. Qu'est-ce qu'on pouvait conseiller à nos élèves? Comment fonctionne leur cerveau? Qu'est-ce qu'on peut leur donner comme piste de progression sur la mémorisation, la compréhension des notions qu'ils étudient? Et puis la dernière étape, ça a été le remplacement des conseils de classe par quelque chose de nouveau, notamment pour pouvoir échanger avec les familles et expliquer eh bien l'ensemble de ce cheminement. Hein, pour qu'ils comprennent bien que c'est un travail qui est crédible et sérieux. Donc évidemment, pour chaque étape, il y a eu une équipe qui était plutôt dans l'innovation, qui essayait d'entraîner avec elle suffisamment de collègues pour que ça puisse se mettre en application au moins sur une classe. Et on va dire qu'à la fin de chaque année d'innovation, d'expérimentation, je ne sais pas trop quel terme est le plus adapté, un bilan était réalisé pour qu'à N plus 1, on puisse étendre le dispositif, passer par exemple d'une classe pilote à un niveau pilote. Et effectivement, comme nos bilans étaient positifs, on arrivait chaque année à entraîner toujours derrière nous de plus en plus de collègues. Alors, c'est toujours assez complexe d'expérimenter dans un établissement, puisque ceux qui expérimentent sont en minorité. Donc, ils doivent être soutenus par leur direction. La direction doit leur donner un espace de travail suffisant pour leur permettre de tester, de se tromper, de se corriger. Et à la fin, il faut toujours aussi lutter un petit peu contre des collègues qui sont récalcitrants hein, au changement. C'est normal, hein, le changement, c'est toujours un petit peu déstabilisant. Et donc, il y a tout un contexte d'établissement qui peut faciliter ou freiner l'innovation. Et c'est vrai que lorsqu'on débute, c'est toujours très, très délicat parce qu'on est minoritaire. On n'a jamais une majorité de personnel qui souhaite innover dans un établissement. Enfin, moi, peut-être que ça existe, mais je ne connais pas. Hein. Donc, il faut des soutiens internes ou externes, et il faut être patient. Il faut être patient et je pense qu'il faut procéder par étapes pour convaincre sans brusquer, en fait. Hein? Voilà. Merci beaucoup. Bon, je peux reprendre la parole pour ce qui est des collègues. Alors donc en fait, on avait constitué une première équipe volontaire pour mener des classes coopératives travailler autrement. Donc là, on était tous convaincus qu'il fallait faire différemment. Là, immédiatement, la direction nous a soutenus, est venue au conseil de classe, a été enthousiaste de la façon dont ça se passait avec les enfants et les parents. Et le dialogue qui était vraiment de qualité entre les élèves, les parents et l'équipe enseignante. Et ils ont voulu ensuite, on est en cité scolaire, donc étendre à la totalité des classes de sixième et la totalité des classes de seconde. Et en fait, même des collègues qui étaient assez voilà, récalcitrants ont quand même. Alors, ce qui nous a été vendu quand même, et ce qui a aussi emporté bah les réticences, ça a été que ça remplaçait, c'était le conseil de classe remplaçait aussi la réunion parents-prof. Donc c'était du deux en un, finalement, on était plus efficace. Donc voilà, sur un bilan comptable au niveau du temps, tout le monde y gagnait. Ensuite, il a bien fallu aussi se rendre à l'évidence que on était quand même beaucoup plus efficace sur ces réunions-là, ce conseil nous qu'on a appelé conseil de progrès, parce que ne serait-ce que le fait, la présence des parents, on a toujours eu, moi j'ai une classe de 27 élèves et on avait toujours au minimum 24 enfants présents. J'avais 3-4 absents pendant ces soirées-là, puisque les parents gagnent aussi du temps, parce que c'est effectivement c'était 7 minutes d'entretien avec la moitié de l'équipe au premier trimestre, deuxième trimestre, l'autre moitié de l'équipe, et à nouveau un mélange de voilà d'une autre équipe le troisième trimestre. Donc ils voyaient tous les professeurs finalement et en interaction avec aussi la direction. Donc c'est un gain de temps aussi pour les parents, c'était du gain de temps pour les collègues et surtout de l'efficacité pour les collègues qui effectivement voient leur classe complètement, enfin leur propos a une portée immédiate sur l'ambiance de classe le lendemain. Et donc très rapidement, ça a fait l'unanimité chez à peu près tous les enseignants et même vraiment tous les collègues qui étaient plutôt récalcitrants ont été convaincus par la formule. Et ça a été voilà, presque un regret ensuite que ça ne puisse être proposé sur les autres niveaux. On avait ciblé plutôt les niveaux entrants. Mais voilà, globalement aussi, une obligation de changer sa posture. Là, on est en interaction directe avec les parents et l'élève. Donc, on ne peut pas dire forcément tout et n'importe quoi. Il y a une façon policée de s'exprimer qui n'est pas celle d'un conseil de classe où l'entre-soi fait que parfois c'est un exutoire, le conseil de classe. Voilà, un temps où on peut se venger de la classe. Et j'ai des collègues encore qui, il n'y a pas très longtemps, me disaient, ah, je vais venir parce que ils m'ont fait suer et je vais régler mes comptes. Là, c'est plus un temps où on règle ses comptes. C'est un temps où on parle pédagogie, on parle progrès de l'élève. Donc, forcément, il y a des répercussions sur le climat scolaire. Merci Claire. Et dans ton travail, dans ton établissement, et peut-être avec ta posture CARDI dans les établissements et les projets que tu as accompagnés, comment ça se passe en termes de changement de posture? Est-ce que c'est des collègues déjà convaincus? Est-ce qu'il y en a d'autres qui suivent par la suite? Voilà, mon micro était coupé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de suivre de projets qui avaient pour thème le conseil de classe parce que c'est en tout début d'année, là, au mois d'octobre, lorsqu'on s'est réparti le suivi des projets au sein de l'académie, que je me suis rendu compte que ce qu'on faisait était une innovation. Mais en fait, c'est parce qu'il y a eu un projet qui est sorti, enfin, un intitulé que j'ai vu. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais dans ce cas-là, nous aussi, on innove. En fait, on fait ça depuis tellement d'années, et ça roule. Et du coup, je me suis dit, mais punaise, en fait, dans ce cas-là, je vais déposer un projet aussi, pour valoriser un petit peu ce que fait mon établissement et mes collègues. Mais pour l'instant, je n'ai pas eu à suivre de projet qui avait pour thème la réfection des conseils de classe. En tout cas, ce que j'entends de mes collègues, et Stéphane l'a formalisé également, c'est que j'ai l'impression que dès lors qu'on a des personnes qui se préoccupent, alors on obtient des résultats et on obtient l'adhésion de ses pairs. On va pas se mentir, hein, le professeur n'est pas le, enfin, le professeur par principe est contre un petit peu. Enfin, je veux dire, on a quand même un petit peu de mal à instaurer le changement dans certains établissements. On a du mal à toucher à ce qui se fait depuis de nombreuses années. Mais en fait, et même par rapport aux parents d'ailleurs, qui pourraient être contre des nouvelles pratiques, le parent, dès qu'il voit qu'on se préoccupe d'eux et qu'on essaye d'eux, à ce moment-là, ça change quand même les choses, et par rapport aux collègues également. Nous, on n'a re jamais remis en cause notre nouvelle formule de conseil un petit peu hybride, et ce qui nous permet en tout cas d'évaluer un petit peu la réussite de ce projet-là, c'est le taux de présence des parents, des élèves, et puis dès lors qu'on veut faire pour la cohésion école-famille, je pense qu'on est bon, quoi. Ça part de quelque chose qui est quand même très important et dont on sous-estime parfois l'impact. Donc peut-être que parfois il y a des choses à remanier, à repenser, mais encore une fois, quand on se préoccupe d'eux, à mon avis, on est dans la bonne voie. Et dans ton établissement, ça touche une classe, une cohorte, ça touche tout l'établissement. Alors nous, excuse-moi, nous on est un petit établissement de 13 classes, de 13 divisions, parfois 12, et on fonctionne comme ça pour toutes les divisions. Au début, on a mis ça en place progressivement, et maintenant, ça fait de nombreuses années qu'on fonctionne comme ça pour tous les niveaux de classe. Et en fait, on a d'ailleurs par soir deux conseils de classe. Différents qui s'opèrent. Et en fait, tout le monde y trouve son compte. C'est gagnant-gagnant. Ça permet aux professeurs qui ont de nombreuses classes, enfin, des matières comme la mienne, par exemple, de réduire le nombre de soirées, ce qui n'est quand même pas non plus négligeable, dans le sens où on va diviser presque par deux, hein, puisqu'on a des soirées hybrides entre conseils de classe et réunions parents-prof. Les parents attendent bien moins longtemps. Ça n'a jamais posé de problème à personne de ne pas avoir le professeur principal en sachant en face de soi. Et puis, je crois qu'on sous-estime aussi, et là, on est en train de. J'ai l'impression que les choses sont en train de changer par rapport à ça. On sous-estime l'impact de l'espace et de l'agencement de l'espace. Je trouve que c'est un sujet, ça aussi, à quel point l'espace et son agencement est en capacité de favoriser le dialogue ou pas. Et en acceptant comme ça de plus avoir de barrières entre nous et d'avoir cette petite réunion un petit peu familiale finalement, dans un établissement qui lui aussi est très familial, puisque c'est un petit collège. Mais c'est presque tout naturel qu'on aille vers des formats comme ceux-là, j'ai l'impression. Et du coup, alors, spatialement, comment sont, ça se place? Est-ce qu'il y a des tables, des chaises? Comment tu, ça s'organise? Eh bien, en fait, il y a plusieurs salles qui sont réquisitionnées dans lesquelles on agence les chaises en cercle. Et donc, on invite les parents à venir s'asseoir à côté de nous et on questionne d'abord l'enfant sur ce qu'il a pensé de son trimestre, s'il se sent bien dans le collège. On termine, effectivement, je rejoins Peggy là-dessus, sur des conseils qu'on peut lui apporter pour suivre au deuxième trimestre et ce qu'il va devoir convoquer pour progresser. Merci beaucoup. Ce que je retiens deux grands points intéressants. Ce que disait Stéphane tout à l'heure, c'est que vous êtes passé vraiment dans une posture à côté des parents, des élèves et plutôt de descendants. Et aussi, vous avez souligné tous les trois que ça prenait aussi moins de temps. Et ça me semble aussi très important. C'est, on voit des projets pour en avoir accompagné aussi qui ne fonctionnent plus ou qui sont abandonnés parce que ça devient chronophage aussi pour les enseignants et les personnels. Et du coup, ça me semble aussi important et vous l'avez tous souligné. Guillaume? Oui, je souhaiterais apporter quelques précisions concernant le fonctionnement dans mon établissement, tu veux bien? Ben, c'était ma question d'après. Tout simplement, on a 100% des familles qui sont satisfaites de cette nouvelle modalité de faire un bilan de périodique. C'est testé par mes chefs d'établissement qui discutent avec les familles avant qu'elles quittent le collège et qu'elles rentrent chez elles. On a un taux de présence qui est autour de 94%. Donc, on a très peu de familles qui refusent de venir. Souvent, quand elles ne se déplacent pas, c'est qu'il y a des imprévus. On va pas les voir sur le premier trimestre, mais on va les voir sur le deuxième. Dans ce cas-là, on fait des conseils de réussite téléphonique pour les familles qui sont vraiment trop frileuses à se déplacer. Et elles nous remercient de donner des nouvelles et d'échanger par téléphone. Certaines familles sont même surprises de voir à quel point on peut s'intéresser à leur enfant parce que je vous cache pas qu'en général, ces familles-là sont des familles d'enfants qui sont en difficulté. Et ces familles estiment que si leur enfant est en difficulté, il ne doit pas vraiment intéresser les professeurs. Et elles sont surprises de voir qu'on s'intéresse à leur enfant malgré ses difficultés scolaires. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est que pendant les conseils de réussite, quand nous recevons les familles, donc le bulletin, les appréciations disciplinaires ont été rédigées, les couleurs ont été disposées sur le document, mais ce document, la grille de lecture est moins évidente que sur un bulletin noté. Et donc, notamment quand on reçoit les familles la première fois, quand les élèves rentrent dans l'établissement sur le niveau 6e, ils apprécient beaucoup d'avoir la grille de lecture qui permet de bien comprendre ce bulletin qui est un peu particulier. Et ce que je Est-ce souhaitais que dire tu aussi, peux, c'est que pardon, est-ce que tu peux donner un exemple de cette explicitation, enfin de grille de Eh lecture? bien, on a donc les disciplines. On a un tableau à double entrée. On a les disciplines qui sont en ligne et on a 18 compétences qui sont en colonne. C'est des compétences qui ont été retenues par l'ensemble des collègues qui sont pour nous, si vous voulez, universelles, c'est-à-dire applicables, évaluables dans l'ensemble des disciplines enseignées au collège. Donc, on en a retenu 18. Et donc il y a des pastilles colorées qui interviennent sur ces 18 colonnes dans l'ensemble des disciplines. Et c'est vrai que cette grille de lecture, elle est un petit peu particulière, mais ça nous permet par compétence ou par discipline de dégager en quelques secondes le profil de l'élève, de voir dans quelle discipline il est en difficulté ou en réussite, ou sur quelles compétences il a de l'aisance ou des difficultés. Et donc, les familles comprennent très très vite où sont les réussites et les difficultés de leur enfant. Et donc, ça nous permet, dans un second temps, qui arrive très rapidement, de parler de conseils pour que l'élève progresse. Et ces conseils ne sont jamais, rédigés en amont sur le bulletin. C'est-à-dire que le bulletin est partiellement complété et on finit de le compléter en présence de l'élève et de ses parents. C'est-à-dire que les conseils sont discutés ensemble par rapport à cette compréhension du bulletin. On vérifie que chaque conseil est accepté, qu'il va être utile et qu'il va être mis en œuvre par l'élève et que la famille se sent capable d'en assurer le suivi. Et il est donc rédigé à plusieurs mains sur le bulletin. Avant de le rédiger, on reformule, on vérifie que chaque terme est bien compris par la famille et l'enfant. Et si ce n'est pas le cas, on adapte le vocabulaire, parce que le vocabulaire de l'éducation nationale, il est un petit peu jargonneux. Et donc, on a des conseils en pied de bulletin qui, parfois, pourraient un peu surprendre, parce qu'on est plus sur le vocabulaire de l'élève ou le vocabulaire utilisé par la famille. Hein, voilà. Alors l'appréciation générale, c'est le vocabulaire du professeur principal qui fait une synthèse de l'ensemble des disciplines. J'étais très intéressé d'ailleurs de la collègue qui avait émis l'hypothèse de réfléchir à sa suppression. Bon, nous, pour d'autres raisons, on l'a conservé. Mais sachez que les conseils ne sont pas rédigés en amont, ils sont rédigés pendant le rendez-vous. Voilà, je tenais à Oui, c'est apporter ces important. précisions. Oui, et ça rejoint la co-construction dont parlait Stéphane. Et justement, et vous avez aussi commencé tous à l'évoquer à différents moments. Quels sont les impacts que vous avez vus sur les parents et les élèves? Vous avez parlé du taux de présence impressionnant. Et effectivement, en général, c'est beaucoup plus bas. Peggy, tu disais qu'il n'y avait pas eu de décrochage dans ces classes-là. Qu'est-ce que vous avez pu observer d'autre? Et Stéphane, de manière générale, qu'est-ce que ça permet de modifier les évaluations, donc là, le temps de conseil de classe comme évaluation? Stéphane? Alors, bah, cette fois-ci, je ne vais pas prendre le point de vue de la recherche, mais je vais prendre un peu le point de vue de ma propre pratique professionnelle. Alors, je vais en dire quelques mots. J'anime un séminaire de recherche avec des étudiants qui sont en master, donc qui vont devenir futurs enseignants. Séminaire qui s'appelle Pratique évaluative et expérience des élèves, au sein duquel les étudiants travaillent. Un mémoire de recherche et dans lequel ben, j'ai essayé de commencer à construire, co-construire la fameuse grille d'évaluation, c'est-à-dire que je m'assois avec eux et on pose la question, qu'est-ce qui ferait un bon mémoire? Donc on détermine un certain nombre de critères ensemble, hein, sur la base de deux mémoires qui ont précédemment été évaluées, donc c'est le support pour créer ces éléments. Et donc les étudiants s'emparent de ce travail et construisent la grille et en même temps ils s'y réfèrent à chaque cours puisqu'on je les aide à écrire ensuite une partie de leur mémoire. Bon, il y a un certain nombre de travaux de lecture, d'articles qui sont faits auparavant. Et donc les étudiants, comme les élèves, nous rappelle Wynne, ne peuvent pas ne pas s'auto-évaluer. En fait, tout le monde s'auto-évalue. Mais l'évaluation, cette auto-évaluation a lieu pour les élèves les plus en difficulté, pour les étudiants les plus en difficulté, avec des critères qui sont non pertinents. Et ces critères non pertinents, bah, ils permettent, in fine, au bout du bout, de se désengager parce qu'on n'a pas compris totalement les attentes. Alors, par exemple, des critères sont non pertinents, c'est ma phrase, elle est parfaitement construite, la syntaxe est parfaite, il n'y a rien dans ce sens à reprocher. Oui, mais dans un mémoire de recherche, il y a une écriture référencée, scientifique, et même si ta phrase est parfaitement construite sur le plan syntaxique, elle ne répond à aucun moment à l'écriture spécifique de recherche. Voilà, de ce point de vue-là. Donc ce critère est non pertinent. Est mobilisé certaines fois par les étudiants et en construisant ensemble la grille puis les indicateurs, donc les critères puis les indicateurs, comment, ce qu'on retrouve hein, dans les éléments d'une copie, on a un certain nombre de transformations, c'est-à-dire des étudiants qui s'engagent un peu plus. Sachant que ce travail de réécriture est extrêmement pénible pour eux, c'est assez difficile, assez ardu. Ils s'engagent d'autant plus volontiers que certaines fois, ça déborde un petit peu du séminaire. Bon, ils ont les étudiants sont répartis dans des séminaires et ils ont l'occasion d'en discuter avec d'autres étudiants qui ne construisent pas du tout ces éléments. Et ici, on va retrouver ce que Claire, Peggy et Guillaume ont évoqué tout à l'heure, à savoir le fait que ça permet de mobiliser un certain nombre d'enseignants qui se dit, tiens, il y a peut-être une pratique qui innove un petit peu, peut-être une pratique qui amène un engagement différent de la part des étudiants. On en parle, on en discute, et peut-être que ce serait le moment de faire évoluer ma propre pratique professionnelle. Merci. Et du coup, excusez, Peggy, Claire, Guillaume, qu'est-ce que vous avez observé? Vous en avez déjà un peu parlé dans la modification des conseils de classe et puis enlever les récompenses, en tout cas du côté de Peggy. Je ne sais pas si Claire et Guillaume, votre établissement les a retirés ou pas. Alors nous, Guillaume? on les a pas retirés, mais il y a une réflexion à ce sujet-là. Il y a un groupe de collègues, toujours un petit peu dans l'innovation, qui souhaitent les retirer, mais il y a trop de réticence dans mon établissement. Il y a trop de collègues qui restent convaincus que ça va se faire au détriment des très bons élèves qui ont vraiment besoin d'être félicités. Hein. Moi, c'est pas du tout mon avis, mais aujourd'hui, on n'arrive pas à passer le cap. Oui, ça, tu disais, il faut du temps. Et par contre, du coup, qu'est-ce que tu observes du côté élève et du côté parent avec la modification des conseils de classe? Moi, ce que j'observe, c'est des parents qui sont beaucoup plus investis, des parents qui avouent discuter beaucoup plus aisément de la scolarité de leur enfant, notamment sur un moment de famille, hein, le dîner, par exemple. Ce sont des familles qui nous disent que le sujet de la scolarité de l'enfant était un sujet difficile à aborder, surtout quand l'enfant vit quelques difficultés. C'était source de tension, source de punition, et donc le sujet était évité pour essayer d'avoir un climat familial apaisé. Et avec les conseils de réussite, ils arrivent à plus facilement discuter avec leur enfant de la journée de travail, de la semaine à l'école, et de reparler des conseils qui ont été co-rédigés ensemble, de voir si leur enfant s'en rappelle, voir s'il a l'impression de les mettre en œuvre. Nous, ça nous permet aussi de contrôler avec des indicateurs précis que les conseils sont mis en application ou non. Donc, régulièrement, en vie de classe, on reparle des conseils qui ont été donnés à chaque élève et on lui demande de s'auto-positionner sur l'évolution ou non favorable par rapport au conseil qui a été donné. Et puis nous, on donne notre avis aussi. Donc il a une petite grille où il y a son auto-évaluation et puis il y a l'avis du professeur à côté. On redonne un petit peu, on a l'impression qu'il y a davantage de confiance aussi. Les élèves nous sollicitent davantage. Quand ils se questionnent sur leur méthode de travail, ils savent qu'on n'est pas là uniquement pour les juger, mais aussi pour les conseiller, les aider à traverser leurs difficultés. Et puis un constat qui est intéressant, qui a été fait par mes collègues de SECPA, il y a une section SECPA dans mon collège, ce qu'ils remarquent, c'est que donc des familles qui sont globalement assez défavorisées, avec des élèves évidemment en difficulté scolaire, et ces familles viennent systématiquement au conseil de réussite, alors qu'avec l'ancienne modalité, ils ne les voyaient quasiment jamais en réunion. Et ils font une grosse différence entre les familles qui ont découvert cette nouvelle modalité en scolarisant leur enfant dès le début de la sixième. Donc là, on a des familles qui sont séduites par le dispositif et qui continuent de venir année après année, même si l'enfant demeure en difficulté dans sa section SECPA. Alors que lorsqu'on reçoit des familles qui arrivent dans notre établissement en classe de troisième, par exemple à la suite d'un conseil de discipline, eh bien les familles, on n'arrive pas à les faire venir au collège. Elles n'ont pas eu l'habitude de ce nouveau dispositif. Elles ont peur d'être jugées. Elles ont peur d'entendre que les points négatifs sur la scolarité de leur enfant. Et on voit la différence entre les familles qui ont connu 4 années de nouveaux dispositifs et les familles qui restent réticentes à venir dans l'établissement parce que elles n'ont pas eu la chance, entre guillemets, de connaître ce nouveau dispositif en arrivant au collège dès la sixième. Merci beaucoup, c'est vraiment impressionnant de l'impact sur l'engagement des élèves et des familles. Donc ça, c'est super, merci. Claire? Je souhaitais juste rebondir sur ce que disait Guillaume par rapport aux encouragements, aux félicitations, aux récompenses. Nous, on a trouvé une manière assez simple de récompenser sans récompenser, d'encourager sans encourager. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette récompense très formelle de donner à l'élève les encouragements ou les félicitations. En revanche, dans la remarque générale, on peut avoir des choses de l'ordre de nous félicitons l'élève pour cet excellent trimestre. En fait, c'est sous-entendu, mais dit quand même, nous encourageons tel élève à poursuivre sur cette belle dynamique. Enfin, voilà, dans la remarque générale, on va féliciter ou encourager l'élève sans pour autant avoir des récompenses à proprement parler. Et puis tu as déjà commencé à en parler tout à l'heure à différents moments, mais du coup, qu'est-ce que tu as observé par rapport aux familles et aux élèves avec cette forme différente de conseil de classe? En fait, on a, je rejoins là encore Guillaume là-dessus, on a une ambiance qui est bien plus détendue, bien plus sereine pour tout le monde. Les élèves en difficulté, je pense à eux, enfin, dans le sens où les parents, dans le format relativement classique, bon, là, on digresse un petit peu par rapport à la réunion parents-prof, mais nous, on a des moments un peu hybrides, donc je suis obligée d'en parler, mais si le parent doit entendre 10 fois que c'est très compliqué, j'imagine pas la soirée à la maison ensuite. On n'a pas forcément besoin de ça. On peut l'entendre une fois, faire le point une fois, faire quelque chose une remarque assez générale et essayer de trouver des solutions. L'entendre 10 fois ne va absolument rien changer ni au problème, ni à l'issue du moment et à ses conséquences. Donc, je pense que voilà, ce qui change, c'est vraiment le rapport enseignant-élève, le rapport parent-élève, le rapport parent-enseignant. On a un climat scolaire apaisé, je crois. Et puis on a plus cette espèce de tribunal finalement qu'on avait auparavant. Le climat scolaire, c'est quand même un sujet très très important. Là encore, au niveau de la CARDI, on a énormément de projets qui sont communs à ce thème. Et dès lors qu'on réfléchit au climat scolaire, on touche beaucoup de choses, je crois. Oui, puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport au décrochage scolaire et du coup comme ça après t'as dit tu pourras nous en parler. C'est un ce côté répétitif, le polyinnovant lycéen qui est un des trois premiers micro-lycées en France créé en l'an 2000 avait tourné en 2011 Parole de décrocheur et il y a un élève qui dit exactement la même chose que toi, qui dit quand c'est un prof qui nous dit quelque chose ça va, mais quand on nous répète toute la journée la même chose qui ne va pas c'est extrêmement difficile et ben, c'est un des éléments qui l'a amené à décrocher. Et puis le climat scolaire, c'est quand même le facteur le plus prégnant dans ou le décrochage ou la persévérance scolaire, suivant de quel côté on se place. Et du coup, vous l'avez tous souligné, le climat scolaire, entre autres, il y a toutes les relations avec la communauté éducative et avec toutes les formes de conseils de classe repensés que vous avez mis en place, tout s'est apaisé. Donc ça a un impact. Ce qui me donne une parfaite transition avec Peggy qui parlait justement, qui disait tout à l'heure qu'aucun élève n'avait décroché dans les élèves, dans les classes que vous avez suivies de cette manière-là. À quoi tu l'as vu et quels autres éléments tu as vu? Alors tu parlais du taux de présence des parents, d'un effort, enfin un effort, pardon, une action dès le lendemain des élèves, mais est-ce que tu peux voilà, nous détailler à quoi tu as vu qu'il n'avait pas décroché et est-ce qu'il y a d'autres éléments? Alors, on effectivement. Alors, pour revenir aussi aux élèves qui sont en souffrance à l'école, le conseil de classe, c'est un moment particulièrement compliqué pour, comme les réunions parents-prof, pour des élèves en difficulté. Alors, les élèves en difficulté, les réunions parents-prof, il y a souvent beaucoup d'évitement. On le sait tous, hein, c'est pas forcément les parents dont, enfin, qu'on aimerait voir qui viennent aux réunions parents-prof. Là, l'avantage, effectivement, c'est qu'on a un dialogue direct en équipe avec tous les parents, même les parents dont les enfants sont ou potentiellement décrocheurs ou en difficulté. Et pour tous ces parents-là, qui entendent un discours positif sur leur enfant. J'ai eu à chaque fois, tous les ans, des. Bon, c'est évidemment plutôt les mamans, mais plutôt des mamans qui se sont mis à pleurer parce que c'était la première fois qu'on leur disait. Et en plus, au premier conseil de progrès, il y a une appréhension. Effectivement, les parents ne savent pas comment ça va se passer. Et d'entendre des choses positives sur leur enfant, je vous assure que ça change vraiment la donne. Et qu'à partir de là, aussi d'entendre son enfant être en capacité de prendre la parole face à une cohorte d'adultes dont la direction, il y a le proviseur ou la proviseure adjointe ou la principale adjointe ou les CPE, en plus des professeurs, d'être en capacité en sixième de prendre pendant 5 minutes ou 2, 3 minutes la parole et pour proposer son propre bilan de scolarité, il y a un énorme stress. Les premières fois, mais même à la fin, au troisième trimestre, un gros stress des élèves et une grande fierté d'avoir réussi ça. Et alors, pour revenir sur les gratifications, en fait, on n'avait pas idée de les supprimer au premier conseil de progrès, lorsqu'on a mis les choses en place, on a passé du temps en amont à essayer de penser, mais ça n'avait pas de sens en fait. Mais on s'est dit, on ne va pas aller trop loin dans la révolution parce que voilà, c'était sans doute trop pour l'établissement. Donc on s'est dit, bon, allez, on va les conserver, on n'est pas pour, on n'aime pas ça, mais on va conserver. Et sauf que on a absolument oublié au premier conseil de progrès d'en parler. On a parlé de tout, sauf, et aucun parent nous l'a réclamé, aucun enfant non plus. Donc on s'est dit, au fait, à la fin, vous en avez pas. Et dans les deux, on était séparés en deux équipes. Et quand on s'est retrouvés tous ensemble et qu'on a fait le bilan de ce qu'on avait vécu de cette soirée, aucun de nous n'en avait parlé. Parce que effectivement, on a parlé d'autres choses, et puis que les appréciations, comme le disait Claire, on mettait mais bravo pour ton travail, mais ça vaut bien la croix dans félicitations, le tableau d'honneur, mais qui n'a aucun sens. Et donc on a laissé tomber au deuxième trimestre, et à la fin de l'année, on avait mis un petit livre d'or. Pour le dernier, où on demandait à tous les parents de nous dire ce qu'ils avaient pensé de cette année, si quelque chose leur avait manqué, et si eux, de leur côté des parents, ce qu'ils avaient aimé, apprécié ou moins apprécié des conseils de progrès. Vraiment unanimement, on n'a eu aucun point négatif, vraiment. Et dans ce qui nous a manqué, à part le temps, on aurait aimé, voilà, on prenait les familles à peu près 7 minutes, avec, voilà, on essayait vraiment de tenir le timing, mais à part le fait qu'ils auraient aimé que ce soit un peu plus long dans le dialogue, c'est à peu près la seule chose. Et après, j'ai revu à la fin de l'année, au pot de fin d'année, quelques parents, et j'aurais dit, mais les gratifications, vos enfants, les aînés, il y en a certains qui en ont eu, ça ne vous a pas gêné? Il dit, ah ben oui, non, c'est vrai, on n'y avait pas pensé, mais aucun intérêt, vu la façon dont c'est présenté. Et donc, le lien avec les familles qui est renoué, des enfants qui sont plutôt fiers d'eux, qui entendent des choses positives d'eux, ça coupe l'herbe sous le pied vraiment d'une bonne partie des raisons pour lesquelles nos élèves décrochent, qui est la. C'est une vraie souffrance que la mésestime de soi, enfin d'être vraiment sans arrêt évaluer négativement et d'être mésestimés et eux-mêmes le regard qu'ils portent sur leur propre, non pas scolarité, mais personne, qui est souvent très très négative. Et les premiers conseils de classe quand on les prépare, les élèves sont bien en mal souvent d'écrire des choses positives sur eux. Et là, je demande ils travaillent en général par îlot, donc je demande plutôt aux camarades de classe de les aider et qui ont un regard beaucoup plus positif et beaucoup plus objectif aussi sur ce qu'ils sont en capacité de faire et trouver avec eux tous les points positifs dans leur scolarité et puis aussi au niveau de leur capacité à coopérer et d'être un élève en entier. Voilà, donc bah, tout ça fait que des élèves qui ne décrochent pas, c'est des élèves qui continuent à venir à l'école, qui sont dans la persévérance scolaire, qui essaient toujours d'obtenir voilà, le grade supérieur, le niveau supérieur. Ils ont un objectif concret qui est atteignable. Et voilà, de leur dire il faut travailler plus, c'est oui, certes, très bien, il faut être bon à l'école, voilà, mais d'être dans des choses qui sont absolument concrètes et atteignables et personnalisées, c'est ce qui permet de maintenir la motivation. Parce que finalement, quand on a été prof principal hein, et qu'on a accueilli des classes de sixième, il y a quasiment aucun élève de sixième qui, le premier jour de rentrée scolaire, n'a pas envie de réussir. On a vraiment des enfants qui sont des pépites brutes et c'est à nous de les préserver voilà, de toute violence scolaire pour pouvoir les amener avec voilà, bienveillance. C'est un mot qui est souvent détesté par mes collègues, mais quand même avec beaucoup de bienveillance pour leur permettre de faire tous les progrès dont ils sont capables. Merci beaucoup. Guillaume? J'aimerais bien avoir l'avis de Stéphane sur les récompenses parce que j'ai lu attentivement certains travaux de Franck Ramu, donc chercheur en sciences cognitives, qui explique ses résultats de recherche sur ces travaux-là. Il distingue l'approche sur le comportement et la motivation. Donc il explique que les récompenses sont utiles quand on veut améliorer le comportement d'un élève, donc à effet immédiat, on va dire. Par contre, il dit qu'elles sont complètement inutiles pour juger d'un travail sur une longue période et donc récompenser sur un trimestre. Donc, il distingue la partie comportementale où la récompense est utile et la partie motivationnelle où la récompense n'est pas du tout utile. Pour lui, il faut plutôt développer le but de maîtrise et d'autonomie et ne pas chercher à développer le but de performance. Donc, je ne sais pas si Stéphane a des résultats de travaux à nous partager, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est très ancré dans l'éducation nationale, qu'il faut que ça serait presque une faute professionnelle de ne pas récompenser un élève qui a brillamment réussi. Hein, ça serait dénigrer sa réussite. Et je trouve ça dommage parce que, a priori, bah, au niveau science, ça tient pas la route, quoi. C'est un ressenti de professeur, mais on n'est pas dans la réalité des faits. Stéphane, pour cette question et pour une conclusion générale aussi. Alors, ouais, on peut évoquer plusieurs éléments. Alors, il y a toute une veine de travaux qui traitent de ce qu'on appelle les comparaisons sociales. Donc, qui sont portées notamment par un certain nombre de collègues suisses. Peut-être vous connaissez un des ouvrages assez classiques, L'évaluation est une menace, qui est un regroupement d'articles de collègues qui travaillent sur cette question. Donc, dans les comparaisons sociales, il y a les comparaisons sociales qui sont forcées et il y a les comparaisons sociales qui sont délibérées. Les forcées sont celles qui sont finalement utilisées consciemment ou inconsciemment par les enseignants en classe. Donc, on force la comparaison en disant, tiens, il y a tel élève, bah, regardez comment il travaille bien, ou on va donner la récompense un petit peu de l'élève en public. Et donc cette comparaison sociale qui est forcée, Elle amène chez l'élève qui a bénéficié de cette comparaison sociale une estime de soi qui est ultra valorisée, donc le cas du bon élève, si elle est pour lui ascendante, parce que il est valorisé par l'enseignant. Mais pour les élèves qui sont en difficulté, cette comparaison sociale forcée, elle est descendante, c'est-à-dire que ils subissent un certain nombre d'effets délétères pour leur estime personnelle. Et dans ce cadre-là, il y a d'autres collègues, hein, notamment une collègue de Dijon qui travaille beaucoup sur les situations évaluatives interactives. C'est-à-dire qu'elle a repéré dans de nombreuses classes, du premier degré, du second degré, un certain nombre de situations évaluatives qu'elle a catégorisées en plein de situations. Ce qui est très intéressant dans ses travaux, c'est que plein de situations ne sont pas conscientisées par les enseignants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression de faire de l'évaluation. Et en gros, elle a pu dire que, elle a pu montrer dans son travail que quasiment dans certaines classes, 65% du temps de classe, c'est de l'évaluation. Et donc, alors, pour répondre un peu plus précisément à la question de Guillaume, si dans ce temps de classe, c'est de l'évaluation, l'évaluation n'a pas vocation à tout le temps à être publique. Elle a vocation souvent à être privée. Un peu comme on annonce quelque chose qui ne regarde pas les autres élèves, un axe de progression, quelque chose. Donc, dans l'habitus des enseignants, il y a l'habitus de l'écart à la norme. Les enseignants sont formés pour repérer les écarts à la norme. Tel indicateur me montre que le travail de l'élève n'est pas conforme à ce que j'attendais. Bon, bref, ok. Il n'y a pas de raison, finalement, que, un enseignant le dise à la cantonade, comme ça, devant tous les élèves, qui provoque un certain nombre de comparaisons sociales qui ont été discutées. Et puis, il y a un autre élément, c'est que, et ça, c'est un fait également de la littérature scientifique, il y a pas mal de travaux qui traite de ce qu'on appelle l'autorégulation des apprentissages. C'est toujours pareil, hein, des travaux assez dans les veines psychosociales, mais également en sciences de l'éducation. Et l'autorégulation des apprentissages, c'est le fait de pouvoir non seulement réfléchir sur ce que je produis, mais ça consiste également à interroger un petit peu la façon dont les apprenants vont activer et maintenir leur cognition, leur motivation et les comportements en vue d'atteindre un objectif. Et Emeline l'a rappelé tout à l'heure, quand il y a un certain nombre d'événements en classe qui me montrent, c'est clair aussi qu'il disait, on me dit 10 fois que je ne suis pas bon. Ça affecte mon autorégulation, tout simplement, parce qu'on a l'impression, et c'est une croyance qui va devenir très forte, qui va s'ancrer chez l'élève, il y a la croyance que finalement, il n'y a pas de possibilité de progresser. C'est un verdict définitif. Et ce qui me semble tout à fait déterminant ensuite, c'est de comprendre qu'il y a un certain nombre de feedbacks. Alors la question des feedbacks, elle est un petit peu difficile aussi. Il y a un certain nombre d'auteurs qui travaillent dessus. Les têtes d'affiche dans ce domaine, c'est Hattie Timperley, travaille sur les feedbacks, mais il y a dans la littérature francophone aussi deux auteurs qui sont très intéressants, Calonne et La Fontaine, qui montrent que les feedbacks qui sont donnés par les enseignants sont de nature à les faire progresser uniquement si le feedback interroge les démarches de l'élève, c'est-à-dire les processus de l'apprentissage, et non uniquement ciblé sur la performance. La performance qu'on explique plutôt dans le domaine de les sciences de l'éducation comme le résultat final, qui ne dit rien finalement de comment il a été produit. Voilà, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Et ce feedback, nous dit Calonne et La Fontaine, malheureusement, même si il est ce feedback, même s'il est amplifié, même s'il propose des éléments concernant la démarche, in fine, ce feedback, il n'agit que si le message est reçu concrètement, parfaitement par l'élève. Ce qui revient ensuite à interroger, encore une fois, le climat de classe et la façon dont l'enseignant évoque sa posture ou installe sa posture en classe, c'est-à-dire sa posture d'évaluateur. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment où la posture a changé, où on n'est plus là pour juger, mais on est là pour aider, et dans le triptyque que j'avais énoncé en préambule, prélever des informations interprétées et décidées, ici, ce qui me paraît tout à fait fondamental, c'est que autant Peggy que Claire que Guillaume, et puis Emeline aussi, dans les conseils de classe repensés, vous changez la décision. C'est-à-dire que c'est plus du tout un jugement, mais c'est une aide que vous apportez, qui est tout à fait fondamentale. Ensuite, je peux pas vraiment m'enlever de l'esprit qu'un enseignant qui a modifié sa posture évaluative, en gros, va limiter les effets de comparaison sociale forcée à la cantonade en disant, voilà, tel élève, c'est le meilleur dans la classe, et puis basez-vous sur son travail, faites comme lui. Voilà. Je m'imagine pas vraiment un enseignant qui a modifié sa posture à avoir ce type de propos. Donc la récompense, elle est peut-être intéressante pour l'élève qui l'a déjà, elle est attendue par lui, mais elle peut être glissée de toute façon en privé. Voilà, elle n'a pas lieu d'être devant toute la classe parce que de toute façon, il y a un certain nombre d'effets délétères qui vont être engendrés. Et de toute façon, il ne faut pas s'y tromper, une fois qu'ils ont franchi la porte de la salle de classe, ces retours évaluatifs, ces feedbacks sont discutés largement entre élèves et ils sont discutés entre élèves de niveau similaire. Ça, c'est tout à fait important parce qu'un élève qui est en difficulté n'ira jamais se comparer. Et là, on est dans une comparaison sociale délibérée. C'est lui qui le fait volontiers. Il n'ira jamais se comparer à un élève qui est en grande réussite. Sauf si il a envie de rejoindre le niveau de l'élève qui est en très grande réussite. Malheureusement, dans nos salles de classe, ça ne se joue pas tout à fait comme ça, ou ça ne se joue pas tout à fait aussi fréquemment que ça. Voilà pour ces petits éléments. Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre pour cet épisode passionnant et très bonne continuation dans ces belles formes repensées de conseils de classe.